c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Les salaires sont trop bas, les revenus sont trop faibles. C'est vrai qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. C'est vrai qu'on ne peut pas aimer tous les gens. J'ai beau creuser la tête, j'ai beau faire des efforts, y'a plein de choses qui m'inquiètent et plein de désaccords. Ça commence par un yacht des tentes maladroites. Je sais c'est pas sa faute mais c'est bien dans la boîte. Le monde entier le mate, y'a quelque chose qui dérange. Sa plaque de l'audimat révolutionne gangrange. Pourquoi donner pouvoir au qui a voté? Et moi je veux parler à la France qui travaille, celle qui a un métier, qui a un appartement, qui a une famille, qui a une voiture, qui travaille dur et qui trouve pourtant qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On poursuit pas plus fort le cynisme et sa calme. Augmenter le salaire c'était dans son programme. Gonfle pour son confort le sien de 100%. N'aime pas le locataire mais il est indécent. Et comment peux-tu croire qu'on sortira indemne? Tu rends de ton perchoir, tu contemples la scène. Ta folie, tes grandeurs à l'effet d'un virus qui annonce déjà l'heure du prochain terminus. Pourquoi donner pouvoir au qui a voté? C'est pas nous regretter, c'est prévenu. Mais nous pleurer, on l'a dans l'œil. C'est à cette France-là que je veux m'adresser. Les salaires sont trop bas, les revenus sont trop faibles. C'est en colère, il ferait ce constat désolé et amer. Je crois bien que ce monde-là, je l'ai connu naguère. Allez, réveillons-nous et serrons bien les dents. Et n'oublions pas tout, c'est vraiment pas le moment. Prenons bien rendez-vous après sa présidence. Et vraiment faisons tout pour ne pas que ça recommence. Pourquoi donner pouvoir au qui a voté? Annoncez pas ou regretter. Se débattre seul dans les pires difficultés.